familiakuen presentzian eginda partitzia, emozione eta nigarzu maitek ilan pentsatzen ahal zen bezala, erran behar da, bidazia luzizanen dela, sei hilabetez oihal edo belha itxas untzi tipini batek ilan korrituko behitia, kap berdialatz artino, hasteko kostaldian jarraikitzez Marrokela tartino, ondotik Atlantika entrebezatzeko Brazilila tartino, zientifiko lan horren nyamaiteko. Petie Berogen, urdinar betarak, lehenze itxasu hartu du, igan maiatzian, sedia hortan trebatzeko, lehenegunetan, jadanik iharrausik izan dela itortu daiku. En fait, on a appris dans le trimestre d'histoire une tempête de face, comme on dit, et puis... on a passé une nuit horrible, hein. les trois c'était hyper compliqué, donc en fait la nuit comment ça fonctionne là c'était on s'est senti vraiment petit. Ikertze scientifikoan egitia puruzkinen biltzez eginen da bidaje osuan, itxas barbalotak eta bereak ebai ikertuko dutie, itxas belharen presentzia eta plastikoen kosatzia, familiaen lotxa eta zerrek motibatu dian projet hortan berriz errandeku Petie Berogenek. Après voilà, ils ont vite compris qu'il y avait derrière un petit but aussi du coup éducatif avec les enfants, c'est un vrai projet je pense d'une vie, quelque chose que je pouvais pas laisser passer quoi, donc derrière un petit but aussi du coup éducatif avec les enfants, c'est un vrai projet je pense d'une vie. Hoita hama bost mila euroko kostia du ekspedizioniak eta astrobal ungamen alkartiai helaziko duti eben puruzkinak eol proletia Instagramen kultian jarraikitzen ahalduzie ekspedizionian aitzinatzia.